الهدي قيما بارك فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، concernant les livres qu'on distribue aux élèves qui assistent au cours, il y a une rupture de stock. C'est là car ils vont sortir une nouvelle édition corrigée, revue corrigée. Donc il faudra attendre quelques semaines pour pouvoir se le procurer. Demande aux femmes de ne pas élever leur voix. Barakallahu fikum. قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Donc nous sommes entrés hier dans le chapitre numéro 33 à propos de la parole d'Allah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Allah dit également, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égale. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala nous met en garde contre deux péchés très graves et nuisible au serviteur. Le premier, le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Le deuxième, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Le second. Je disais que l'auteur met en garde contre deux péchés. Le premier, le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Et le deuxième, le fait de désespérer de sa miséricorde. Nous avons cité les deux premiers versets. Nous avons, et je les ai expliqués, sans les dire des savants, rahimahullah wa hafidhahu. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ابن عباس رضي الله عنهما rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été questionné au sujet des grands péchés. Il a répondu: il s'agit du polythéisme, du shirk, du fait de désespérer de la clémence d'Allah et de penser être à l'abri de son stratagème. Donc pour la traduction, du fait de désespérer de la clémence d'Allah, vous mettez entre parenthèses, ou de son secours. Selon l'explication du mot rawah. Mais cette traduction est bonne. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني واختلف أهل العلم في صحته ورجح بعضهم الوقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وحسنه وصححه الشيخ سليمان صاحب التيسير وابن كثير قال في سنده نظر. Donc les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit que la chaîne de transmission est discutable. D'autres ont dit qu'il était bon. Et certains savants disent ce qui est le plus plausible, que c'est un hadith, ou bien c'est la parole d'Ibn Abbas. C'est la parole d'Ibn Abbas. إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. كبائر جمع كبيرة. وعرفه بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا والآخرة وسواء كانت بفوات محبوب أو حصول مكروه. Donc, al-kaba'ir, c'est le pluriel du mot kabira, qui veut dire grand péché. Les grands péchés ont été définis par certains savants, parmi Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui dit que c'est tout péché duquel découle un châtiment. C'est-à-dire, un châtiment a été cité, une punition a été citée pour ce péché tout particulièrement. Car l'ensemble des péchés, la personne qui pêche risque une punition. Mais pour le kaba'ir, il y a un texte précis concernant cela. Que cette punition, ce châtiment soit dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. Et que ce soit quant à la perte d'une chose aimée ou au fait de recevoir une chose détestable. Une chose détestable. Par exemple, dhikr al-la'n, ou il ghadab, ou laysa minna, ou faqd al-iman. Par exemple, tous les textes dans lesquels on lit ne fait pas partie des nôtres celui qui fait telle chose ou telle chose. Ça veut dire que c'est un grand péché. Ou il y a la citation de la malédiction. Maudit soit celui qui fait telle chose ou telle autre. N'a pas la foi celui qui fait telle chose ou telle chose. Ça peut entrer aussi dans Al-Kabar al-Bidjumla. Ou on cite un châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. On cite un châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Par exemple, ceux qui mangent la chair de leurs frères. Par exemple, ceux qui mentent sur les musulmans, en les taxant de ce dont ils sont innocents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Man qala fi akhihi ma laysa fihi, askanahu Allahu ghadrat al-khabr. » Celui qui dit sur son frère, ce dont il est innocent, Allah le fera habiter dans les déchets des habitants de l'enfer. Ici, on te cite quoi ? Un châtiment dans l'au-delà. Donc, on va classer le fait de mentir sur un musulman dans quoi ? Dans les grands péchés. Ici, le questionneur, à quel but ? Les sahaba, radiallahu anhu, lorsqu'ils posaient des questions, c'est dans le but d'adorer Allah. Lorsqu'il demande sur les grands péchés, c'est dans le but d'en s'en éloigner. Mais au jour d'aujourd'hui, comme dit Ibn Athaym, rahimahullah ta'ala, beaucoup posent des questions pour poser des questions. Pas dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Il te demande une chose, tu lui dis, est-ce que tu es concerné ? Tu lui dis, non, juste pour savoir. Là, anil ilm, la yuta'allam li ajli ta'allum faqat, bal li ta'abbud. Donc tu dois étudier afin d'agir, d'adorer Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien, tu le mets en pratique. Si c'est un mal, tu t'en éloignes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ash-shirku billah. Donc, le premier grand péché cité ici, c'est le plus grave, le polythéisme. Al-kabir wa al-sarir. Ajma'ahu al-ilm ala anna shirk al-asra akbar al-kabair. Donc que ce soit le polythéisme majeur ou le mineur. Et tous les savants sont d'accord, unanimes, pour dire que le polythéisme mineur est le plus grand des péchés. Qui sont donc sous le shirk. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ الْيَأْسُ فَقْدُ الرَّجَاءِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Deuxièmement, le fait de désespérer de la clémence d'Allah ou bien de son secours. Al-yas, c'est le fait de désespérer, de perdre espoir. Wal-rawh qarib min ma'na ar-rahma. Yarhamukallah. Wal-faraj wat-tanfis. Donc le mot ar-rawh est proche du sens du mot ar-rahma, la miséricorde, la clémence. Mais ça a un autre sens, c'est la délivrance. Quelqu'un qui est dans une difficulté, d'accord, le secours, la délivrance, se nomme également de la sainte. Puis, wal-amnu min makrillah, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Wahadi laysat lil-hasr, les péchés cités ici n'ont pas pour but de citer une liste exhaustive. Mais on voit dans différents hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite tantôt 3 péchés, dans d'autres 5 et ainsi de suite, dans d'autres 7. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la perfection de sa sagesse dans la da'wah, adaptait son discours à chaque personne. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, qala lahu la taqrab. فردد مرارا قال له لا تقرب. وبس صلى الله عليه وسلم a reçu un homme qui lui a dit au message d'Allah: fais-moi des recommandations. Et il lui a dit: ne te mets pas en colère. L'homme a réitéré sa demande. Le prophète sallam n'a cessé de lui répondre la même chose. Donc si toi tu conseilles quelqu'un, tu vas le conseiller selon ce que tu connais de lui. مناسبة الحديث للباب ظاهرة. Le lien qu'il y a entre le hadith et le chapitre est évident. C'est que dans ce hadith, on nous montre que désespérer de la miséricorde d'Allah et se sentir à l'abri de son stratagème entre dans les grands péchés. C'est donc une chose interdite. ما استفاد من الحديث تحريم الأمن من مكر الله واليأس من روحه. Tire de ce hadith l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah et de se sentir à l'abri de son stratagème. Et que ce sont deux grands péchés. وفي هذا رد على طائفتين من أهل البدع الخوارج والمرجئة ومن سلك مسلكهما. Dans ce hadith, il y a une réfutation à deux sectes, Al-Khawarij, qui ont exagéré dans la crainte, au point de faire désespérer les gens de la miséricorde d'Allah suite au grand péché. Et il y a une réfutation Al-Murji'a, qui ont exagéré dans l'espoir, au point de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Nastafilu min hadha anna shirka akbarul kaba'ir lil bad'i bih. On tire également de cela que le polythéisme est le plus grand péché, car ici on a commencé par le site. الواجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء. L'obligation qui incombe au serviteur est d'unir entre la crainte et l'espoir. Des points concernant Al-Kaba'ir. Premièrement, دلت النصوص على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. La première chose, c'est que les textes nous enseignent que les péchés se divisent en deux. Il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. Et ceci est tiré du Coran ainsi que de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah nous dit dans le Coran, dans sourate An-Nisa: si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été proscrits, on vous effacera vos péchés. Donc, on nous cite Al-Kaba'ir et ensuite on nous reparle des péchés. Lorsqu'on nous recite les péchés, de quels péchés s'agit-il? Des petits péchés. Donc si vous vous éloignez des grands péchés, Allah vous pardonnera les petits. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش dans سورة النجم الله عز وجل nous dit ceux qui s'éloignent des grands péchés puis il nous dit والفواحش des turpitudes. Donc on voit qu'on nous cite ماذا des catégories de péchés. ونقل الإجماع على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. Ibn al-Qayyim nous dit qu'il y a le consensus des savants sur ce point, c'est-à-dire que les péchés se divisent en grands et petits. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجهمية أنكروا هذا التقسيم. La secte de l'Jahmiyya, ceux qui ont renié le nom des attributs d'Allah Azza wa Jal, ont renié cela. وكذا بعض الأشاعرة. ثم اختلف أهل العلم هل الكبائر معدودة أم محدودة. Les savants ont divergé pour définir les péchés. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive? Donc on peut les compter en suivant les textes, puis arriver à un chiffre et dire il y a tant de péchés. Ou bien est-ce qu'il y a une définition qui nous permet de reconnaître quels sont les grands péchés. Et la parole prépondérante est la deuxième. C'est qu'il y a une définition et des caractéristiques qui nous permettent de reconnaître les grands péchés. فحد الكبيرة يعني ذكره للعلم أكثر من قول وأصوبها قال الشيخ صالح السندي ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه بالوعيد خاص يعني قيد بهذا دائما كاللعن أو عذاب أو نار أو أنه ليس منا أو البراءة أو لا يدخل الجنة وما أشبه ذلك. Donc la meilleure définition est de dire toute action qui engendrera une sentence, toute action qui engendrera une sentence. Ou pour laquelle l'acteur a été menacé par une menace particulière à ce péché. Par une menace particulière à ce péché. Comme la malédiction, le châtiment, l'enfer, où la parole n'est pas des nôtres, celui qui, où je me désavoue de celui qui, ou n'entrera pas au paradis celui qui est d'autre part. Ça c'est l'avis le plus fort qui a été choisi par Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et d'autres. Le dernier point concernant ce mabhath, هل الصغيرة قد تترقى إلى درجة الكبيرة. Est-ce que le petit péché peut atteindre le niveau de grand péché? Est-ce que le petit péché peut atteindre le niveau de grand péché suite à des circonstances particulières? Les savants ont divergé dans cela. Certains ont dit non, quelle que soit la situation, un petit péché reste un grand péché. D'autres ont dit oui, le petit péché, avec des circonstances particulières, peut devenir grave. Avec quelles circonstances par exemple? Qillatul mubalah. Le fait de n'accorder aucune gravité et aucune importance, ni aucune importance à ce péché. Certains savants ont dit que ça pouvait en faire devenir un grand péché. al-mujaharatu bih, ou bien le fait de le faire en public et de le citer sans voir la gravité et sans craindre la punition. Ou bien al-isra alayhi, le fait de le faire continuellement, le fait de le faire régulièrement et continuellement. Al-Lalakai rahimahullah ta'ala ذكر أثرا عن ابن عباس وابن مفلح قال هو صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه هي أي الكبائر عفوا إلى 700 أقرب منها إلى 70. هي إلى 700 أقرب منها إلى 70 غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا هو الشاهد. دونك il y a un athar d'Ibn Abbas dans lequel il dit le nombre de grands péchés est plus proche des 700 que des 70. Le nombre des grands péchés est plus proche des 700 que des 70. Si ce n'est que il n'y a pas de grand péché qui reste avec la demande de pardon. Et il n'y a pas de petit péché qui reste si tu le fais continuellement. C'est-à-dire que ça devient un grand péché. Donc si tu fais des sirfars, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla pour ton grand péché, il te l'efface. Et si tu restes dans les petits péchés continuellement, à ce moment-là, ils peuvent devenir des grands péchés. Ça, c'est un avis parmi l'avis des savants. Wallahu a'lam. Et le dernier texte, Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit les plus grands des péchés sont le fait d'associer une divinité à Allah, se sentir à l'abri de son stratagème et désespéré de la miséricorde d'Allah. Les plus grands péchés sont le fait d'associer une autre divinité à Allah, de se sentir à l'abri de son stratagème, de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et là, votre traduction s'arrête là, n'est-ce pas? Il manque une phrase. وَلْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. C'est justement la sagesse pour laquelle l'auteur a cité ce athar d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est que dans le même texte, il y a الْقُنُوط مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Donc vous rajoutez et de perdre espoir donc soit dans le fait d'être touché de sa clémence, soit dans le fait d'être secouru. هذا الأثر قال ابن كثير رحمه الله تعالى هو صحيح عن ابن سعود بلا شك. ابن كثير nous dit ce texte est authentique, c'est la parole d'Ibn Saoud sans aucun doute. Donc les plus grands péchés, al-ishraku billah, le polythéisme, fait d'associer Allah Azza wa Jalla. Ceci car c'est un manque de respect envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Direct. Et un délaissement du droit le plus important. ainsi que la perte de la sagesse pour laquelle le serviteur a été créé. Et le fait de ne pas concrétiser ce pourquoi l'ensemble des messagers ont été envoyés et l'ensemble des livres révélés. Donc cette personne a tout perdu. Ensuite, al-amnu bi makrillah, le fait de sentir à l'abri de son stratagème. Puis, al-qunut min rahmatillah. القنوط فقد الرجاء واستبعاد رحمة الله عز وجل في حصول المطلوب. القنوط c'est le fait de voir loin de soi la miséricorde d'Allah عز وجل quant à l'obtention de la chose recherchée. واليأس من روح الله. Ceci nous amène à une question. Quelle est la différence entre le qunut min rahmatillah wa al-ya's min rawh illah? Est-ce que ce sont deux synonymes? اختلف اهل العلم. قال ابن الاثير, ابن الاثير c'est un linguiste. قال القنوط اشد الياس. القنوط اشد الياس. اذا ما العلاقه؟ ما العلاقة بين القنوط واليأس؟ العموم والخصوص. فكل قنوط يأس ولا العكس. Donc certains parmi les savants ont dit que le mot القنوط est le summum du désespoir. اليأس c'est désespoir, perdre espoir. Et القنوط en arabe c'est le summum du désespoir. D'accord? Si vous avez un mot, ne m'en faites pas. En français. استدرك هذا القول الشيخ سليمان في التيسير. Donc le petit-fils de l'auteur, rahimahullah ta'ala, a réfuté, si on peut dire, cet avis dans le taïsir. En disant que ظاهر القرآن أن اليأس أشد من القنوط لأن اليأس ذكر معه الكفر والقنوط ذكر معه الضلال والضلال أهون من الكفر. Donc Cheikh Suleiman رحمه الله تعالى, c'est le petit-fils de l'auteur, celui qui a écrit le meilleur charh de Kitab Tawhid selon l'avis de certains savants, nous dit ce qui est apparent du Coran, c'est que l'ias est plus intense dans le désespoir que le qunut. Car le l'ias a été cité pour les kuffars et le qunut a été cité pour les égards. D'autres parmi les savants ont cité comme différence entre les deux. قالوا القنوط أخص من الياس لكن من جهة أخرى. Certains savants ont dit que Al-Qunut est plus spécifique, plus particulier que Al-Yas, que le simple désespoir. Mais d'un autre point de vue, pas comme l'ont cité les premiers. قال الراهي رحمه الله تعالى Al-Qunut مختص بالخير. هذا قول وجيه جدا. Al-Qunut خاص بالخير أي إذا انقطع الإنسان عن الطمع في حصول الخير يسمى, كيف يسمى هذا؟ قنوطا. أما اليأس فهو أعم, فهو أعم في انقطاع الطمع في حصول المطلوب أو كشف ماذا الكروب أو المكروه. Donc un autre avis, un linguiste a dit, le mot al-qunut en arabe est plus particulier que le mot al-yas. Al-qunut, c'est le fait de désespérer, mais dans le bien, quant à l'obtention d'un bien. Alors que l'yas est utilisé pour le désespoir quant à l'obtention d'un bien, tout comme il est utilisé pour le désespoir quant à la dissipation d'un mal. Donc el-qunu est plus particulier que el-yas. Mais certains ont dit, يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Certains ont dit ces deux mots sont des synonymes lorsqu'ils sont cités séparément dans les textes. Et lorsqu'on les cite ensemble, Al-Qunut sera le fait de désespérer quant à l'obtention du bien, et Al-Yas sera le fait de désespérer quant à la dissipation d'un mal. Voici pour ce chapitre. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce athar, l'athar d'Ibn Sa'ud radiallahu anhu, pour nous montrer que parmi les pires péchés, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah et le fait de se sentir à l'abri de son stratagème. On y voit donc l'interdiction. On tire de ce athar ce qu'on a tiré des textes passés. Ce sont de graves péchés. Ils sont interdits. Que le croyant doit donc avoir le contraire de ses caractéristiques. Il doit vivre entre eux la crainte et l'espoir. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Chapitre numéro 34. Il fait partie de la foi en Allah, l'endurance vis-à-vis des décrets d'Allah. Au lieu du mot la patience, mettez l'endurance, c'est plus adéquat. Car il y a la notion de supporter une difficulté dans ce terme, l'endurance. Et un frère m'avait fait la remarque, il y a de cela longtemps, après une khutba, jazahullah, khayran wa faqahullah. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر عبوديات التي بها تتحقق الإيمان والدين والتوحيد ولا يكمل إلا به. L'auteur est toujours ici dans la citation de certaines adorations sans lesquelles le musulman ne peut parfaire sa foi, sans lesquels le musulman ne peut fonder un islam fort et solide, reposant sur des fondations solides. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين وجوب الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وتحريم التسخط منها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid en voulant nous montrer par cela l'obligation de se montrer endurant. Que les femmes ferment la cloison qu'il y a entre elles et les hommes. Donc, l'auteur veut nous montrer à travers cela l'obligation de se montrer endurant. Croyant à l'obligation de se montrer endurant lors du décret d'Allah Azza wa Jal qui peut pour lui être douloureux et difficile à supporter. Et ainsi que l'interdiction de se révolter contre le décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car cela est contradictoire avec la perfection du Tawhid. Wa khassa هذا النوع من أنواع الصبر خص هذا النوع نعم لأنه قليل عند كثير من الناس والله المستعان. Et l'auteur a spécifié cette forme d'endurance alors que comme on le verra il y a trois formes d'endurance car peu sont ceux qui l'ont lors du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu sont les gens qui sont endurants. Ils patientent véritablement avec leur langue, leur cœur, leurs membres même si beaucoup le prétendent avec leur langue. الإيمان هو عند أهل السنة أهل الحق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية وطاعة الشيطان الإيمان la foi chez أهل السنة c'est une parole prononcée avec la langue une croyance qui habite le cœur des actions faites par les mains, avec les mains. La foi augmente avec l'obéissance au tout miséricordieux et diminue de par sa désobéissance. Donc la foi, c'est une parole et des actions. Parole du cœur, parole de la langue, l'action du cœur, l'action des mains. Donc les actions sont partie intégrante de la foi chez Ahl Sunnah. La foi peut diminuer grandement jusqu'à atteindre le poids d'une petite foi. Et elle peut être immense. Et elle monte et elle descend. Comment est-ce qu'elle monte? Avec l'obéissance d'Allah Azza. Comment est-ce qu'elle descend? Avec la désobéissance. Bab min al-iman billah as-sabr. As-sabr lughatan huwa al-habs. As-sabr dans la langue arabe, c'est l'emprisonnement. Wa shar'an ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على أقداره المؤلمة L'endurance se divise en trois. Religieusement parlant, l'endurance se divise en trois. L'endurance dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire la constance. المداومة والاستمرار والثبات par exemple le fait de préserver les cinq prières à la mosquée هذا صبر على طاعة الله بر الوالدين la bienfaisance envers les parents chaque jour, régulièrement, le fait d'être bienfaisant envers de leur vivant après leur mort. Rahimahumullah. Sabrun an ma'asiyati. Deuxièmement, l'endurance devant la désobéissance d'Allah. Pas dans l'obéissance d'Allah, mais devant la désobéissance d'Allah. Donc tu dis sabrun ala ta'atillah, tu dis sabrun an ma'asiyatillah. Donc la personne doit faire des efforts pour supporter et endurer les passions, soit ça touche shaitan, les mauvais conseillers, afin de ne pas tomber dans le péché. Donc il supporte et il endure. Comme celui qui préserve sa langue, du mensonge, de la médisance, de la moquerie, des mauvaises blagues, et ainsi de suite. Là, c'est du sabr an ma'asiyatillah. Troisièmement, sabrun ala aqdarillah al-mu'lima. Le fait de se montrer endurant lors du décret d'Allah qui peut être amer. De quel point de vue on peut dire qu'il est amer ou difficile ou ce genre de qualificatif? Du fait qu'il ne nous convient pas à nous dans ce qu'on voudrait. Hein? C'est de ce point de vue-là. Par contre, du point de vue des actions d'Allah Azza wa Jal, C'est l'excellence, c'est la perfection. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla fait, c'est avec sagesse, avec science. وَفْعَلُهَا كُلُّهَا حَمِيدًا. الله طيب لا يقبل إلا طيبا فهو طيب في أفعاله في أسمائه في صفاته جل وعلا كما قال العلامة عطية محمد سالم رحمه الله في شرح الأربعين. Donc lors du décret douloureux comme la maladie, la perte d'un travail, la pauvreté, la perte d'un proche, d'un être aimé, le décès, une douleur, et ainsi de suite, le serviteur doit se montrer endurant. Et dans le Coran, il y a des preuves pour chacune de ces formes. قال الله سبحانه وتعالى. Donc avant cela, l'auteur attire notre attention ici sur la troisième forme de sabr. Qala subhana fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Sourate Al-Ahqaf verset 35, vous prendrez la traduction. Sois endurant comme l'ont été les messagers doués de fermeté. Wa ma hukmu as-sabr? Fa huwa wajib. Quel est le jugement de l'endurance? C'est une obligation, selon le consensus des saints. Donc il a spécifié cette forme d'endurance car elle se rapporte aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures, sa gérance, son décret et le destin. La religion tout entière revient au sabr. Certains parmi les savants ont dit « As-sabr nisfuddin wa nisful akhar ash-shukr ». C'est pour cela qu'Allah azza dans plusieurs versets nous dit « Inna fi dhalika la ayati li kulli sabbarin shakur ». Certains savants disent, le dîn tout entier, c'est du sabre. Pourquoi? Car dans le dîn, dans la religion, soit on t'ordonne une action, tu dois la mettre en pratique. Soit on t'interdit une chose, tu dois t'en éloigner. Soit t'es éprouvé, tu dois être endurant. Donc tout le dîn revient à quoi? À sabre. Celui qui n'a pas de sabre ne peut pas avoir de dîn. C'est pour ça qu'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit, as-sabr min al-jasad, ou as-sabr, ou manzilat al-sabr, la place de l'endurance dans la religion est semblable à la place de la tête par rapport au corps. Donc si tu perds une main, tu peux vivre. Tu perds une jambe, tu peux vivre. Mais si on t'enlève la tête, tu ne peux pas vivre. Donc tu as besoin d'endurance pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreux versets, très nombreux versets, ont détaillé ce sujet dans le Coran. Au point, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit « Dhukira sabr fil Qur'an akthar min tis'ina »« Fi akthar min tis'ina mawdi'a » L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'on a parlé de l'endurance dans plus de 90 endroits du Coran. « Wa ahlu sabr » كثرت يعني فضائل لأهل الصبر فهم أهل الإيمان الكامل قال الله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا هم أهل الفوز والبشار والفلاح قال الله بشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والله وهم أهل معية الله والله مع الصابرين ولا أحد يستطيع أن يكون صابرا إلا بإعانة الله واصبر وما صبرك إلا بالله ومن يتصبر يصبره الله. Je peux te demander comment être patient. Tu ne pourras jamais être patient sans l'aide d'Allah. Ud'u Allah, invoque Allah, demande à Allah de faire de toi quelqu'un de patient. Certaines personnes ne sont pas patientes dans la préservation des obligations. Il fait la salat, ensuite il délaisse la salat. Il préserve le fajr un jour, il délaisse le fajr un jour à l'heure. Demande à Allah de t'aider afin d'être droit dans l'obéissance. Certaines personnes délaissent les péchés. Ils travaillent dans le haram, ils arrêtent. Ensuite ils reprennent. Puis ils délaissent, puis ils reprennent. Demande à Allah Azza wa Jal de t'aider dans ce sens. Certaines personnes baissent le regard devant les femmes. Puis, arrivant en été, yutliq nadar. Ils regardent. Puis, ils se rappellent, se repent, baissent le regard. Puis, ils retombent. Demande à Allah Azza wa Jal de t'aider à être plus endurant, plus fort. Certaines personnes, lors du décret d'Allah Azza wa Jal, sont endurantes. Mais par moments, lorsque ça touche des choses vraiment qui leur est chères, ils ne se montrent pas endurants. Comme lors du décès d'un proche, des parents, des enfants, de l'épouse, du mari, ou comme lors d'un divorce. Beaucoup de femmes et d'hommes perdent leur religion suite à un divorce. Ils ne supportent pas l'épreuve. Comme s'ils avaient été créés pour le mariage. Ils ne supportent pas. Alors la femme enlève son hijab et se met à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et à maudire l'ensemble des hommes de la terre. Et là, se met à critiquer l'ensemble des femmes parmi les musulmanes. Wal'iyadu billah. Donc la personne qui veut avoir cette grande qualité doit la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Donc celui qui fait des efforts, Allah Azza wa Jal l'aidera. وَالنَّاسُ عِنْدَ مَصَائِبْ أَقْسَامُ. Les gens, lors de l'épreuve, se divisent en quatre. Les gens, lors de l'épreuve, se divisent en quatre. أَوَّلًا أَهْلُ التَّسَخُّطْ. Ceux qui se révoltent contre le décret d'Allah Azza wa Jalla. أَوْلَهُمُ الْخَاسِرُونَ. Ces gens-là sont les grands perdants. Lorsqu'ils sont éprouvés par la perte d'un proche, par la perte d'argent, par une maladie, ils se révoltent contre les décrets d'Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, le sage, le miséricordieux. Ils se révoltent. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété et se mettent en colère contre le fait qu'Allah ait décrété cela sur eux. C'est comme s'ils accusaient Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, d'avoir été injuste envers eux. Pourquoi mon enfant, il n'a jamais fait de mal? Pourquoi moi, j'ai toujours été bien? Et ce genre de paroles. Et ce genre de paroles. وَهَذَا مُحَرَّمٌ. Et cette chose, bien sûr, est interdite. Cette personne se retrouve dans deux problèmes. Premièrement, elle garde son malheur. Et deuxièmement, elle perd son épreuve et reste dans Mada et perd donc les récompenses. Elle a tout perdu. Son épreuve est restée. Elle a perdu son Mada, son malheur est resté. Elle a perdu son épreuve, donc elle n'a pas eu les récompenses. Cette personne peut même se mettre donc en colère contre les destins d'Allah Azza wa Jal. Et certaines personnes sont même sorties de l'islam, wal'iyadu billah, à cause de cela. Certains insultent Allah Azza wa Jal lors de l'épreuve. Certains insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'épreuve. Cette personne sort de l'islam. Cette personne sort de l'islam. Et on ne dit pas, mais il est en colère. Kayf. وعاقل يسب رب العالمين هذا كافر بالله العظيم بإجماع المسلمين. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala yakfur, sort de l'islam. On ne va pas dire on regarde ce qu'il y a dans son cœur ou là. Al-kufr, ça peut être avec la langue, ça peut être avec le cœur, ça peut être avec les mains, ça peut être avec al-kaf, la personne qui ne fait pas une chose. Deuxièmement, ahlu sabr. Donc le niveau le plus bas, ceux qui sont dans le péché, sont ceux qui se sont révoltés contre le décret d'Allah. Ensuite, le premier degré, ahlu sabr, les gens qui se montrent endurants lors du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont mis en pratique ce qui leur incombait. Ils ont fait ce qui était obligatoire. Hadha huwa wajibuhum. Fayara al-amr thaqilan alayhim. الصابر يرى الأمر ثقيلا عليه ويكره المصيبة بنفسها لا ما قدر الله لكن المصيبة ولا يرضى بالمصيبة ولكن يتحمل ويصبر مع الكراهية. Donc le sabre, l'endurant, comment se comporte-t-il devant l'épreuve? Il n'aime pas l'épreuve. L'épreuve est pour lui amère, elle est difficile. Il n'est pas satisfait de ce qui le touche. Et il aurait préféré ne pas être touché de cela. Mais ça, c'est son regard sur la chose, pas sur l'acte d'Allah Azza wa Jal et son décret. Donc du point de vue du décret d'Allah Azza wa Jal, il ne le remet pas en question. Mais du point de vue de la chose en elle-même, en soi, il aurait préféré ne pas être touché par cette chose. Il aurait préféré ne pas être touché par cette chose. C'est amer, c'est difficile. Il supporte, il se bat, il retient sa langue, il retient ses membres. Il n'a pas de mauvaise opinion d'Allah Azza. Voici le degré du sabre. Voici le degré du sabre. Il est endurant, il a fait ce qui était obligatoire. Puis il y a le degré de l'élite. Le deuxième degré, Ahlul Rida. Ceux qui ont agréé l'épreuve. Pas ceux qui la supportent seulement, non. Au-dessus de l'endurance. Ahlul Rida. Non, le At-Tasakhut, ils ne sont pas en niveau. Ils sont en dessous. Tu arrives au premier degré, au sabr. Deuxième degré, Ar-Rida. Tamam. Jazakallah khair. Et à chaque fois que je me trompe, Mada, tu me réfutes. Avec le tact que tu as eu là. Mada, Ar-Rida, l'agrément. Donc ces derniers sont satisfaits d'être dans l'épreuve. Et pour eux, d'être dans l'épreuve ou ne pas être dans l'épreuve, c'est semblable. Car ils vont, où va le décret d'Allah Azza wa Jalla? Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de reprendre mon fils, raditu billahi rabba. Je suis satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait. Et Allah fera pour moi le bien. Et ce qu'il décrète pour moi est meilleur que ce que j'aurais voulu pour moi-même. Et il a plus de pitié et de miséricorde envers moi que mes propres parents en ont. Alors il est satisfait. Où le décret va, il va. Lui n'a pas cette amertume. Il n'a pas à faire cet effort pour supporter. Il est satisfait. De par la grande connaissance qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne opinion qu'il a de lui, le grand espoir qu'il a dans la récompense d'Allah Azza wa Jal, fait qu'il agrée son épreuve. Fayusallim taslim, elle se soumet complètement devant ce décret et ne trouve pas de gêne à l'accepter. Puis, le degré des prophètes, des messagers et de ceux qui ont réussi à se rapprocher. Qui sont-ils? Indaman Issoel. Qu'est-ce qui répond à cette question sans se tromper? Tu vas répondre. Tu ne vas pas te tromper. Allahu alam. Ça peut être qu'une bonne réponse. Ce n'est pas la question. Man yujib wa la yukhti. Tu vas répondre sans te tromper. Al-ilm wa al-yaqin. Si tu penses, ce n'est pas du ilm, la certitude. Si tu dis bi-yaqin wa ilm, tafaddal. Ou l'il-azm min al-rusul, ça c'est les gens, les acteurs de cette action. Moi je veux le degré, l'appellation, l'action. Ça c'est une main de timide. Tu n'es pas motivé toi. T'es pas motivé. T'as fait d'aller, Ibrahim. Ahsanallahu ilayk. Ahsanallahu ilayk. As'alallah subhanahu wa ta'ala ja'alaka min ash-shakirin. Inda al-na'ma wal-bala. Donc, comme a dit notre frère Ibrahim, waffaqahullah, ahlu shukr. Ça, c'est safwatu khalqillah. Khullas al-muahidin. Alladhina aiqanu biwa'adillahi subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui se montrent reconnaissants envers Allah. Ils remercient Allah d'être dans ce, dans cette épreuve. Allahu Akbar. وَمَا يَبْلُغَ هَذِي الْمَنْزِلَ إِلَّا مَنْ وَفَقَهُ اللَّهِ. Et qui est-ce qui pourrait atteindre ce degré, si ce n'est celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé l'assistance et la réussite. فَلِكَمَالِ صِدْقِهِمْ بِاللَّهِ وَصَبْرِهِمْ وَرِضَاهُمْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ يَشْكُرُونَ لَهُ. Donc devant la grande croyance qu'ils ont en Allah et la pleine confiance en sa promesse et le grand espoir devant la, dans la récompense, ben ils remercient Allah Azza wa Jal pour cette épreuve. Ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Ces gens-là, عند البلاء يوفقون إلى النظر في ماذا عوائق عواقب الصبر الحميدة والنتائج والثمار. Ces gens-là, leur particularité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde la réussite quant au fait de d'avoir, comment on va dire ça, ils regardent loin, ils pensent aux fruits de l'endurance, pensent à la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Cela les amène, donc cette chose qui habite leur cœur les amène à remercier Allah Azza wa Jalla avec leur langue pour ce bien. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec cette langue, avec leur langue pour ce bien. Et cela se manifeste par plusieurs choses. Premièrement, Allah Azza wa Jalla leur accorde le tawfiq. Fayaqulu alhamdulillah. لأن هذا البلاء حصل في الدنيا ولا في دينه. هذا يحتاج إلى التوفيق والتوفيق عزيز. Pour réussir à voir ça ainsi, vraiment, il faut une assistance d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ces gens-là, cette élite parmi les croyants, au moment de l'épreuve, ils regardent de plusieurs points de vue ce malheur. Ils se disent, alhamdulillah, cette épreuve, elle a été dans ma dunya, dans les choses de la dunya. Elle n'a pas été dans ma religion, alhamdulillah. Ça, c'est un point qui leur permet d'atteindre le niveau de shukr. Deuxièmement, ils regardent le malheur et se disent, alhamdulillah, ana khayru min ghayri. Ana fi ni'ma. Ana fi ni'ma. Il se dit, lors de, du malheur, alhamdulillah, un tel est dans une situation plus difficile que moi. Alhamdulillah, un tel souffre plus que moi. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a repris un enfant, il m'en a laissé deux. Alhamdulillah, Allah m'a repris un membre, il m'en a laissé trois. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a décrété que je sois malade un mois et il m'a mis en bonne santé pendant 10. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a repris ma mère et il m'a laissé ma tante, mon père, mes frères, mes soeurs, hakala. La personne, elle regarde, elle dit, un tel, il y a eu un incendie chez lui et il a perdu des enfants, épouses et parfois. Il regarde de ce point de vue. Il voit que autre que lui a un malheur plus grand. Donc lui, il est dans une ni'ma, il est dans un bienfait. Faya sa'ad. Alors il est heureux dans son malheur. Troisième point, il médite sur le malheur et voit que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont plus nombreux sur lui que les décrets amers. Il se dit par exemple, j'ai perdu 50 euros, mais j'ai 1000 euros. Ma foi, wahakala. Tous ces points aident la personne à atteindre le degré du shukr. Un dernier point, il se rappelle que par le malheur et les épreuves, Allah Azza wa Jalla lui pardonne des péchés. Il se rappelle que par le malheur et les épreuves, Allah Azza wa Jalla lui pardonne des péchés. Comme le Prophète sallam nous dit, il n'y a pas un mal qui touche le croyant, ni une tristesse, ni une peine, ni même une épine qui le touche, sans que par cela Allah Azza wa Jal lui pardonne de ses péchés. Un autre point dans cette introduction sur le sabr. Nous avons cité que le sabr se divise en trois. Qu'est-ce qui me rappelle la première partie du sabr? Indak. La première partie du sabr. Il n'y a pas derrière, toi. Oui, toi, qui d'autre? Naam. Et ne me repose pas mes propres questions pour gagner du temps. Naam. On faisait ça à l'école. La patience face aux interdits d'Allah. La baisse. C'est un exemple? Ah, sainte. Celui qui se préserve car il n'est pas marié. Il endure afin de ne pas tomber dans le péché. Indak. Un deuxième point du sabr. La patience dans l'obéissance. Utiliser le mot endurance, c'est plus adéquat. Est-ce que tu as un exemple? La personne qui reste ferme dans la préservation de la prière. Le troisième point, parmi ceux qui ont mal au dos. Fadal amd. أحسن الله إليك جزاك الله خيرا أجبت وأحسنت بارك الله فيك. Donc l'endurance là de l'épreuve. معك مثال عن اذكر لي مثالا على هذا. أيوة المرض. نعم. Celui qui est malade, c'est une chose qui fait partie du décret qui Amada peut être difficile à supporter. La personne se montre endurante. Quelle forme d'endurance est meilleure? Quelle est la forme d'endurance qui est la meilleure? La meilleure forme, premièrement, c'est les deux premières. As-sabr ala ta'atillah wa an ma'asiyatillah. Ces formes-là sont meilleures qu'as-sabr ala aqdarillah. Pourquoi? Indak Mohamed Amin. Atarbut al-izr. ما تدري اجتهد j'ai vu ta grande main اصبر on fait le درس الصبر ايوه الصبر على طاعه الله وعن معصيته افضل من الصبر على اقدار الله المؤلمه لماذا تستعين بسفيان يجوز الاستعانة بالمخلوق نعم شيخ شليد أبخل سفيان كان يقدر وهو حي وهو حاضر جزاك الله خير لا سفاس لا ريبونس ce que tu as dit c'est vrai mais c'est pas la réponse. Subhanallah, je crois que tu allais donner la bonne réponse. T'as pas fini, mais je sais que c'est. T'es pas parti du. T'es pas motivé. Non. Les épreuves, c'est ponctuel. Alors que l'obéissance et le fait de s'éloigner de la désobéissance demandent un effort constant, continuel. Jazakallahu khair. La deuxième sagesse. La deuxième cause, Azakallah khair, t'as donné la moitié de la réponse. Fadal Adam. Adam nous dit le décret, ce que nous touche, ça touche la dunya. Et l'obéissance et déjà l'obéissance, ça fait partie du din. Allahu A'lam. Je vais poser cette question à un cher, est-ce qu'on peut le rentrer dans ça? Fikraton tayyib. Notez ce point-là et je vais poser la question, inshallah. Naam. Patience dans le décret d'Allah. Il y a écrit la patience dans l'obéissance à Allah et la patience dans le fait de se mettre. Pas la réponse. Je vous donne la réponse. Parce qu'on a dépassé l'heure et quand on dépasse l'heure, il y en a qui ne sont plus endurants. Naam. Donc, je vous donne la réponse ou vous êtes motivé? Patient, endurant. Toi, t'as mal au dos. Oui? Non. Je ne peux pas te poser la question parce que j'aurais mal au cou. Parce que si je tourne ma tête, est derrière moi. C'est pour ça que Jibril a.s. dans le hadith, il est venu en face du prophète a.s. Il a mis ses genoux en face de ses genoux. Il s'est collé. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Tu reviens en charge de l'Arba'in Nawawi, Hadith Jibril le deuxième. Et Inch'Allah, tu nous fais le résumé jeudi prochain. T'as retenu? Ou tu notes? Pour la semaine prochaine, tu prends le cours de Arba'in Nawawi, le deuxième hadith. T'étais pas encore là. Tu le prends. Et tu cherches pourquoi Jibril alayhi salam dans le hadith d'Omar ibn Khattab, il s'est mis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que Allah a fait à la fakhida. C'est retenu? Tamam. Si j'oublie, vous me le rappelez. D'accord? Non. Donc, subhanallah, vous ne donnez pas la réponse? Ami khalil shabab khalilan. أنت تريد تذهب بجميع الأجور الله رضى عنك خلاص علمنا طيب أنت ما عرف السؤال عن تريد تجيب لا السؤال هذا له هذا له فقط لأنه يعني عمل المشاكل طيب جزاك الله خيرا donc la réponse c'est que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret, c'est pas de ton ressort. Sahih? C'est pas de ton ressort. Donc, si tu patientes, de toute façon, tu n'as pas le choix. Sahih? Alors que obéir à Allah azza wa jalla et délaisser la désobéissance, ça demande un effort de qui? Du serviteur. Mafhoum? Ça, c'est le point le plus fort qui marque que cette endurance est meilleure que la troisième forme d'endurance. Maintenant, quelle est la meilleure des deux? Quelle est la meilleure des deux? Est-ce que c'est la constance dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal ou dans le délaissement de la désobéissance, du péché? La réponse est sabr ala ta'atillah. C'est la constance dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Car, ça repart de la même idée, dans la constance, devant la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, le fait de faire des efforts afin de ne pas tomber dans le péché, il y a juste Al-Kaf, un délaissement. Al-Tak, ou Al-Kaf. Alors que, dans la constance, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il y a quoi? Al-Fi'l. Mafhoum? Il y a. Par exemple, pour délaisser une mauvaise parole, tu ne fais rien. Sahih. Mais pour dire du bien, tu fais quelque chose. Même si en arabe, le délaissement est appelé une action. Ça, c'est l'avis de certains savants. D'autres ont dit un tafsir. Et c'est l'avis le plus fort, c'est le tafsir d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi. ماذا طريق الهجرتين قال رحمه الله تعالى وبحسب ما يقع ويحصل به الصبر donc ça dépend en fait de l'action que tu fais dans la réalisation d'un bien ou le délaissement d'un mal ou de l'épreuve que tu auras supportée. Celui qui supporte et ne tombe pas dans le vol, le meurtre, est meilleur que celui qui aura patienté dans le fait de jeûner 3 jours par mois. Pourtant, ça, c'est sabr ala ta'atillah. Mais là, le délaissement est plus grand et plus immense que l'action faite. C'est compris? Donc celui qui supporte et ne tombe pas dans des péchés graves est meilleur que celui qui endure dans la réalisation de hasanat, de bonnes actions, mais qui sont surrogatoires. Et celui qui préserve les 5 prières est meilleur que celui qui aura délaissé par exemple une blague qui était interdite. C'est compris? Donc c'est selon ce que tu supportes. Et celui qui patiente lors du décès d'enfants ou de parents est meilleur que celui qui aura été patient dans le fait de préserver Salatul Duha, par exemple. D'accord ? Celui qui patiente après avoir perdu une grosse somme d'argent, 100 000 euros par exemple, est meilleur que celui qui patiente dans le fait d'avoir dit une bonne parole. Donc en gros, selon ce que tu supportes et selon ce que tu fais, on compare avec l'autre côté. Le dernier exemple, c'est pas le meilleur. Le dernier exemple n'est pas le meilleur, vous retenez plutôt les autres. Par exemple, le sabre de Youssouf avec Imratul Aziz. Hein? On avait cité combien de circonstances aggravantes dans son épreuve. Et année plutôt, on aurait pu dire atténuante, année qui allégerait la gravité du passage à l'acte. Qu'est-ce qui avait assisté à ce cours? Dans quel cours déjà on avait cité ça? Dans deux cours. Dans Qissatul Anbiya et dans Risalat ibn al-Qayyim, si je ne me trompe pas. Donc il y a beaucoup de circonstances. D'accord? Qu'est-ce qui va nous rappeler cela pour la semaine prochaine? Toi, tu es plus contre. Hein? Qu'est-ce qui va nous rappeler cela? Où cherche? Personne? Vous n'êtes pas motivé. Naam. Youssouf alayhi salam a enduré et a délaissé un haram dans une épreuve immense. Ben, c'est meilleur que celui qui va faire une aumône. C'est meilleur que celui qui va faire une aumône et être endurant dans cela. Ouais. Il reste un peu de temps. On va prendre quand même le verset. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عفوا وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه L'auteur nous cite un verset qui est Allah, la parole d'Allah, donc la parole d'Allah le Très-Haut, toujours sous ma traduction bien sûr, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. قال علقمة والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. علقمة a dit, il s'agit de l'un qui est touché par un mal et qui sait que cela vient d'Allah. Il accepte alors et se soumet. يعينك على فهم المناسبة أن تقرأ ما قبل هذه الآية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Donc ici c'est une partie du verset. Il y a quelque chose avant et quelque chose après. Allah Azza wa Jal nous dit, nul malheur n'atteint l'homme si ce n'est par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est certes omniscient. Ma asaba min musibati. Al-musiba, il y a l'amr al-mu'lim. الأمر المؤلم حسيا كان أم معنويا ما أصاب من مصيبة. Il n'y a pas un malheur qui touche une personne. Le malheur c'est ce qui fait mal à la personne, que ce soit une chose concrète ou abstraite. Donc ça te fasse mal, par exemple une parole ou la perte d'un être cher, ou bien une maladie ou un coup. illa bi idnillah. Aïe, le qadar il kawni. Donc, nul malheur ne touche une personne si ce n'est avec la permission d'Allah. La permission d'Allah est de deux types. Comme le maza, le décret, al kawni wa shab'i. Donc, la permission d'Allah azza wa jal est soit universelle. Ça rejoint le sens du destin, tout ce qui est décrété, tout ce qui est. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien la permission d'Allah Azza wa Jal, pardon, religieuse. D'accord? Tout ce qu'Allah aime est agréé, ce qu'il a légiféré. Ici, de quel décret s'agit-il? On parle de la musiba. Donc ça entre dans. Il y a un décret. La permission, on va dire, universelle, c'est ce qui concerne le destin, tout ce qui se passe. Ça peut être aimé auprès d'Allah, ça peut ne pas être aimé auprès d'Allah. Mais ça se passe forcément. C'est ça, bab, c'est ça qu'il faut retenir pour pouvoir faire la distinction. La al-idn al-shar'i, c'est ce qui est légiféré, ça peut se passer ou ne pas se passer par le serviteur. Mais Allah l'aime. Yani, c'est sûr qu'Allah l'aime. Donc dans ce verset, de quel idn s'agit-il? Al-kawn. Universel. Parce qu'on parle de quoi? De Monseiba. On parle de quoi? De Monseiba. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc, et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Al-Qama nous dit, c'est l'homme qui est touché par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah. Il accepte et se soumet. Donc celui qui croit en Allah, c'est-à-dire au décret d'Allah, et qui a la certitude que ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Alors il accepte et se soumet. Alors Allah guide son cœur, c'est-à-dire qu'il lui accorde la tranquillité du cœur et l'apaisement. فَيَرْزُقُ الصَّبْرُ وَطُمَأْنِينَ عَلْقَمَهُ أَحَدْ كِبَارِ التَّابِعِينَ Abdullah ibn Qais ibn Abdillah. Ibn Abdillah. Il est né du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et est décédé après en 62 l'Égypte. Allah subhanahu wa ta'ala est sage, savant, il est miséricordieux. Donc la personne qui reçoit une épreuve, elle doit se rappeler qu'Allah azza wa jalla est parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il décrète. Et il fait avec science et sagesse subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للباب فيها فضيلة الصبر على أقدار الله وأن الصبر من الإيمان. Donc, l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre, car on y voit le mérite de l'endurance lors du décret d'Allah. Le mérite de l'endurance lors du décret d'Allah. Et que l'endurance fait partie de la foi. Parmi la foi, il y a l'endurance. Yustafad min al-aya, fadlu sabr al-masa'ib. Wa anna al-a'mal min musamma al-iman. On tire de ce verset le mérite de l'endurance lors du décret d'Allah. On tire également que entre dans la foi l'endurance. Aussi que parmi les causes de la guidée du cœur, as-sabr. On dirait également que les actions font partie de la foi. Les actions font partie de la foi. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses chez les gens sont une forme de mécréance. Insulter les origines et se lamenter sur le mort. Et khaslatan, yani ithnatayn al-khaslatan, min shu'ab al-kufr. Qa'imatan fil-nas, ay bin-nas. وتبقيان فيه. Donc, deux caractéristiques qui ne cesseront d'être sur une partie des gens, qui font partie des branches de la mécréance. Nos savants disent qu'ils font partie des actions que font les mécréants. Premièrement, at-ta'anufi an-nas, fait d'insulter les origines. Ay bil waqi'a fiha ou bi inkariha, inkar nisbat fulan ila fulan. Donc insulter les origines, c'est-à-dire en parlant mal, en dénigrant, en rabaissant, en critiquant, ou bien en niant une filiation, en disant un tel ne fait pas partie d'eux. Telle tribu par exemple. Deuxièmement, wa niyahatu ala al-mayyit. Niyaha, raf'u al-sawt. Raf'u al-sawt bil-buka, inda al-musiba, ou inda al-mayyit, bil-nad, bil-dhikr, ou ta'adid, al-shama'il, ala hayhat al-tasakhut. Donc, al-niyaha, c'est les lamentations. C'est le fait d'élever la voix en se plaignant lors d'un malheur ou lors d'un décès. Naam, en dénombrant, en citant les qualités qu'avait le défunt. En citant les qualités qu'avait le défunt. Et lorsqu'il fait cela, c'est pour se révolter contre ce qui s'est passé. D'accord ? Il y a un décès. Et t'entends la femme ou l'homme dire il n'a jamais fait de mal à personne, il était comme ça, en se plaignant, en se révoltant devant le décret. Car dans cela, la personne manifeste son manque d'endurance et manifeste sa colère contre ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété et le fait de ne pas être satisfait du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est un manque de tawhid. Le fait de se lamenter. Munasabatul hadith il bab tahrimu niyahati lima fiha min at-tasakhud ala qadarillah wa adam as-sabr. Donc on voit ici l'auteur a cité ce hadith car on y voit l'interdiction des lamentations. Car dans cela, il y a une révolte contre le décret d'Allah Azza wa Jal. A l'inverse, ce qui incombe aux musulmans est de se montrer endurant. On tire de ce hadith l'interdiction de se lamenter et que ça entre dans les grands péchés. L'obligation de se montrer endurant. On tire de ce hadith Anna min al-kufr ma la yukhriju min al-millah. On tire de ce hadith que parmi la mécréance, il y a une partie qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc la mécréance se divise en deux. Al-kufru, al-akbar ou al-kufru, al-asr. Man yu'arif al-kufr, al-akbar. Qu'est-ce qui nous donne la définition du kufr? Akbar. Puis la définition du kufr? Asr. Indaman. Tout ce qui est cité dans les textes et qui fait sortir la personne de l'islam. Non. كل كفر أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. C'est toute mécréance qui a été citée dans les textes entraînant l'exclusion de la personne de l'islam. Wadah, kasab billah. Wassihr. Comme le fait d'insulter Allah, ou comme la sorcellerie. Comme le fait de prétendre que quelqu'un connaît l'invisible. Non. Amma al-kufr al-asghar huwa kullu kufrin atlaqahu shari' wa lam yakun mutadamminan li khuruj al-insani 'an din. La mécréance mineure est toute mécréance qui a été citée dans les textes mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Comme le meurtre du musulman. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر قال سكي ستي سيدون الحديث النياحة اي الطعن في النسب وفي هذا رد على الخوارج dans cela une réfutation à la Khawarij. تحريم الطعن في الأنساب l'interdiction de critiquer les origines. Une remarque sur ce point dans تحريم النياح l'interdiction de lamentation. هذا لا يعني تحريم البكاء. Il ne faut pas comprendre qu'on n'a pas le droit de pleurer là dans des scènes. D'accord? Les lamentations c'est plus que les pleurs. C'est parler, élever la voix en manifestant son mécontentement devant le décret d'Allah, en se révoltant pour cela. C'est ça les lamentations. Par contre, de pleurer, en rien, cela n'entre dans les lamentations. Wa sayyidu waladi Adam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam baka li faqdi waladi Ibrahim. Faqala inna. القلب يحزن والعين تدمع ولا يقول ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو يرضي ربنا وإن بفراقك لمحزونون يا إبراهيم. Le prophète sallam a pleuré lors du décès de son fils Ibrahim alors qu'il agonisait dans ses bras en disant certes le cœur s'attriste, les larmes coulent, mais malgré ça nous ne disons que ce qui plaît et satisfait notre Seigneur. Et nous sommes certes tristes de nous séparer de toi, Ibrahim. Dans notre hadith, on a amené un enfant qui décédait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien en arrivant, il a vu cette scène et ses larmes ont coulé. Alors Saad lui a dit, Hatta anta ya Rasul, même toi, au messager d'Allah, tu pleures. Et il lui a dit, Hadi rahmatun ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubi al-mu'minin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, c'est une miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur des croyants. À partir de là, certains savants disent c'est permis de pleurer, d'autres ont dit Hassan, c'est une bonne chose, c'est une bonne marque même de pleurer. Pourquoi? Car ça marque la rahma qu'a le croyant dans son cœur, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et sachez également que c'est permis de dire quelques paroles. C'est permis de dire quelques paroles ou quelques éloges du mort sans qu'il y ait dans cela une révolte contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples à cela. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, comme dans Sahih Bukhari, Fatima radiallahu anha a dit, wa abatah, ô mon père, ajaba rabban da'ah, il a répondu à un seigneur qui l'a rappelé. Dans notre hadith, Abu Bakr radiallahu anhu est rentré chez Aïcha radiallahu anha lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a embrassé sur le front et a dit, wa khalila, ô mon bien-aimé, celui que j'aimais le plus, wa nabiya, wa safiya, Donc il a prononcé quelques paroles. Ces quelques paroles ne sont pas interdites et n'entrent pas dans les lamentations. Il faut bien comprendre que ça n'est pas toute mécréance citée dans les textes. Et ici, on remarque un point, c'est que Kufr a été cité Maza Nakira, sans Alif Lam. Quand il y a le mot Kufr, sans Alif Lam, c'est le Kufr Asr. Mais en général, certains ont même dit tout le temps, Allahu A'lam, quand il y a, c'est Mu'arraf Bi'al, c'est Kufr Akbar. Donc, Huma Bihi, Kufr. D'accord ? Kital Muslim, Kufr. On ne dit pas El Kufr. Donc ça c'est le shirk et le kufr, c'est le kufr na'am asghar. Donc ça n'est pas toute personne qui fait un acte de mécréance qui forcément la mécréance est montée sur lui. D'accord ? Et le contraire aussi, ça n'est pas toute personne qui fait un acte de foi qui devient musulman. Tant qu'il n'a pas la base sur laquelle doit reposer cela. Je vous donne un exemple. Est-ce sadaqa ? C'est un acte de foi ou pas ? Birul walidayn. D'accord ? Si un kafir vient et fait une sadaqa, on dit que c'est devenu un croyant ? Si il fait birul walidayn, on dit que c'est devenu un croyant ? Non. Taïb, critiquer les origines des gens, c'est un acte de kufr. Celui qui critique quelqu'un par ses origines et il est musulman, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu kafir ? Non. Mais cette action-là, d'accord, entre dans shu'ab al-kufr. Dans des branches du kufr. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.